T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Monster. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le samedi 1er septembre. Et oui, septembre, ça fait un peu mal aux oreilles. Hein. C'est synonyme de rentrée, fin des vacances, un peu fin de l'été, quoique aujourd'hui on n'a pas trop à se plaindre. Retour au boulot. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous y êtes, et voire même si vous les commencez encore seulement, eh bien, bonnes vacances. Et puis pour tous les courageux qui vont reprendre lundi comme moi, et ben courage, et c'est un mauvais moment à passer. C'est juste de tout se remettre dans le rythme et puis après c'est reparti. Nous on est ensemble pour une heure et demie de musique indépendante, de musique alternative, et puis c'est une émission un peu particulière puisque c'est la 400e de Planète Indie. Et oui, déjà ça fait on a fait les 20 ans il n'y a pas si longtemps que ça, et là on est au numéro 400 de Planète Indie. Donc un cap à passer, on va marquer le coup un petit peu, on aura des cadeaux pour vous, mais ça je vous en parlerai d'ici quelques minutes. Pour l'heure, je vous propose eh bien, de commencer en musique avec un extrait de l'album de CJ Simons. L'album s'appelle Forever et nous on va écouter le morceau qui s'appelle Angel. Et avant cela, on va commencer tout de suite avec le tout nouveau morceau du groupe Les Nightbirds. Groupe qu'on connaît bien et qu'on passe assez souvent dans cette émission. Et ce morceau s'intitule A Matter of Time. Restez donc bien avec nous en ce qui concerne le temps. Donc on est ensemble jusqu'à 18h30 ce soir. Et puis d'ici quelques minutes, eh bien, on vous parlera des petits cadeaux qu'on a pour vous. Allez, c'est parti pour la musique. Play where you wanna play. truth. What is love? It's a prayer I whispered. Then you fell from the sky, and I held the answer. But I'm still so far from grace. You're so close to flying, angel. So you're earth. I am just a mortal man. I can bleed, I can hurt, still I do the best I can. For your love, for your love, I don't wanna lose you. Angel, so your wings unfold. C'était Angel par CJ Simmons. Avant cela, on a commencé avec le nouveau morceau des Nightbirds, A Matter of Time. Je vous le disais en commençant cette émission, eh bien, nous en sommes au l'épisode numéro 400 de Planet Indie. C'est un cap qu'on passe ensemble aujourd'hui, et pour marquer un peu le coup, on a des petits cadeaux pour vous, à savoir des codes de téléchargement gratuits pour télécharger le tout nouvel album de nos amis du groupe le Pink Dust, un album qui s'appelle Ming. Alors, j'en ai six à vous offrir. Et comment est-ce qu'on va faire cela? Eh bien, je vous demande simplement, vous postez sur dans le groupe Facebook de Planet Indie. Si vous n'êtes pas membre, vous nous rejoignez, il n'y a pas de souci, ça va se faire rapidement. La couverture de votre album préféré de tous les temps, donc votre top 1 de l'album. Je ne sais pas, ça peut être Thriller de Michael Jackson, ça peut être Dark Side of the Moon de Pink Floyd, je ne sais pas, c'est que ce soit indie ou pas, hein, n'importe quoi, vous nous mettez ça, et puis après on fera un petit tirage au sort parmi tous ceux qui ont bien voulu partager avec nous, eh bien, leur top 1 de leur album préféré de tous les temps. Voilà, je vous en parlerai encore plusieurs fois au cours de l'émission pour vous rappeler, pour garder ça bien au chaud. Pour l'heure, eh bien, on va poursuivre en musique avec un extrait d'un nouvel artiste qu'on n'a encore jamais entendu dans cette émission. Il s'appelle Andrea Van Cleef. Le morceau s'appelle I Passed Away. Et puis, si vous n'êtes pas encore membre du groupe Planet Indie, vous tapez simplement Planet Indie dans Facebook.

Oh, Es-tu mon ami ou mon ennemi? C'est eh bien la question que se pose Parmi Dylan avec ce morceau Friends, Friend or Foe. C'est aussi la première fois qu'on l'écoute dans Planète Indie. 17h25, vous nous écoutez en direct le samedi 1er septembre. Et puis nous serons rediffusés aussi demain dimanche aux mêmes heures et sur la même fréquence de RGL. Entre 17h et 18h30, et puis le podcast de cette émission sera bien entendu disponible sur le site internet de Planète Indie, www.ilovemusic.ga. Sera mis déjà ce soir, donc si vous aimez la programmation musicale et que vous avez envie de la réentendre, vous pourrez vous faire plaisir. Il est l'heure pour nous de passer à la découverte de notre album Powerplay, comme on le fait eh bien, chaque mois. Un album est mis à l'honneur et aujourd'hui il nous emmène du côté du Canada et dans un genre musical, eh bien, qui n'est pas le plus mieux représenté dans cette émission, donc pourquoi pas faire une petite escapade du côté du jazz aujourd'hui. C'est l'album From This Side, c'est le nouvel album de la chanteuse Joanna Sillanpa. Joanna Sillanpa qui est née en Suède et qui désormais vit et fait carrière dans l'Ouest canadien. Elle revient en cette année avec un nouvel album donc, qui s'intitule From This Side, un album qui regroupe des compositions originales ainsi que quelques standards du genre. From This Side, c'est son quatrième album solo, le premier depuis 5 ans, donc elle a eu le temps de passer des heures et des heures à réfléchir et à le peaufiner. C'est peut-être eh bien, l'un de ses meilleurs albums. Elle a aussi pu rassembler toute une flopée de musiciens autour d'elle pour travailler sur cet album. Alors on peut dire il y a le bassiste canadien qui s'appelle George Kohler, il y a la fameuse trompettiste Ingrid Jensen, au piano vous retrouverez Chris Andrew qui a gagné le Grand Jazz le TD Toronto, ouais, c'est le sponsor Grand Jazz Winning. Et puis aux percussions, eh bien c'est Tyler Hornby qui a été trois fois nominé comme bassiste de jazz au WCMA. Voilà, elle, c'est Joanna, évidemment, elle affirme donc que cet album, c'est pas son travail à elle, c'est vraiment le résultat d'un travail de groupe. Et ça a été tout un défi qu'elle explique pour rassembler eh bien, tous ces musiciens ensemble au bon moment et au bon endroit. L'album From This Side a été enregistré pratiquement au vol comme dans des circonstances live. Et l'objectif de Joanna, c'était eh bien, de réaliser un album dont l'objectif était de reprendre l'essence et l'énergie qu'elle pouvait mettre dans ses concerts. Si on la cite, elle dit eh bien, j'ai toujours voulu enregistrer un album que le public pouvait aussi expérimenter en concert. C'est ainsi que From This Side contient la beauté et la simplicité qui est le reflet voilà, de ce que j'apporte dans mes concerts. Ce que vous entendez, eh bien, c'est ce que vous recevrez si vous allez à un concert. Voilà, je me tais, je laisse la place à la musique. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu un genre différent pour nous aujourd'hui, mais pourquoi pas. On va aller plonger sur cette nouvelle production de Joanna Sillanpa, l'album From This Side, et le premier extrait s'intitule Blue Skies. Power play. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies

Voilà, comme quoi dans Planet Indie, je me plais souvent à le dire, on voyage dans les genres, on va souvent dans les guitares électriques avec Johanna Silanpa, on était plutôt dans le jazz et ici on voyage dans les genres mais aussi en géographie là, puisqu'on a quitté le Canada, on a traversé le Pacifique et on se retrouve en Thaïlande. Et ben oui, on vous propose aussi des artistes thaïlandais et ici c'est de l'artiste, c'était Ethereal UK. C'est une artiste transgenre thaïlandaise et son label c'est XYX Records. Voilà, comme ça vous savez tout et vous pouvez la retrouver vous-même et bien aussi sur YouTube. À propos de YouTube, on vous a mis aussi une vidéo d'un morceau de Johanna Silanpa, un morceau extrait donc de son album. Voilà. Skittish, il est pressé, de son album donc From This Side. Voilà, le suivant c'est donc Skittish, encore une autre nouveauté qu'on n'a encore jamais entendue dans cette émission. Il y en a quand même quelques-unes aujourd'hui, hein. Vous êtes des petits gâtés pour la rentrée de septembre, c'est peut-être pour adoucir la peine. Skittish donc, on les écoute avec Don't Count Me Out. Some names that I had heard before. probably deadly. And you should probably just d'écouter, c'était Nico Rivers accompagné du Black Grass, l'herbe noire. Le morceau s'intitulait All the Same. Avant cela, donc, c'était les pressés de Skittish avec Don't Count Me Out. Et puis encore avant cela, cet artiste transgenre thaïlandaise, It's Real UK, Strange World Normal Girl. Oui, je pense pas que j'avais annoncé le titre de sa chanson. Dans quelques minutes, 3 minutes 43 pour être tout à fait précis, retour sur notre powerplay de ce soir, l'album From This Side de la chanteuse Joanna Silanpa. Avant cela, on écoute encore un extrait du Son of the Velvet Rat qui sera probablement notre prochain powerplay le mois prochain, donc au mois d'octobre, avec le morceau Friends with a God. Conjured up now, a road killing rat. Try to be happy, I do the best I can. things get in my way every now and then. God, oh, won't you give me a reason? God, oh, please give me a clue. God, oh, come on now, give me a reason to make friends with you, friends with you. Don't hear me complain, I got to nurse my voice. Oh, but I reclaim my time if I had a choice. Oh, don't you shut down your business before my bills are due. Stand in line and I'll wait for your cue. God, oh, come on, give me a reason. God, oh, please give me a clue. God, oh, won't you give me a reason? You. Oh, friends with you, friends with you, with you. God, oh, please give me a reason. God, oh, won't you give me a clue? God, oh, come on now, give me a reason to pray. Friends with you. C'est un très très bon album, un très bon album live que ce Late Show par le groupe Son of the Velvet Rat. Ça a été enregistré à Vienne, si vous voulez être tout à fait bien informé, au RIZ, voilà, R-H-I-Z, à Vienne. Et ce sera vraisemblablement notre powerplay pour l'émission d'octobre. Pour l'heure, on est toujours en septembre, on vient seulement d'entamer septembre, nous sommes le 1er septembre. Et nous en sommes donc au powerplay de septembre. On va retourner dessus tout de suite. Je vous rappelle, il s'agit de l'album From This Side de Johanna Silanpa. On a dit tout à l'heure qu'elle faisait carrière au Canada. Eh bien, c'est vrai, elle est établie en Alberta depuis plusieurs années, mais elle est d'origine suédoise. Johanna Silanpa est une habituée de la scène musicale soul, rhythm and blues et même punk rock, puisque avant de se lancer en solo, elle a aussi évolué au sein d'une formation qui s'appelait Yo Mozo, ça ne s'invente pas, et ainsi aussi du duo qu'elle forme avec Young, l'un de ses musiciens. Le duo s'appelle Silan and Young. Alors, que vous dire de plus? Silanpa, donc, elle est née en Suède, mais à l'âge de 18 ans, elle a déménagé à Sherwood Park, donc au Canada, avec sa maman. Et elle a suivi les cours et le programme d'éducation musicale au Grant McEwan pour travailler sa voix. Elle dit que cette expérience, eh bien, lui a donné quelque part l'impression d'appartenir à une communauté, parce qu'elle trouvait que c'était assez difficile quand elle, suite à ce déménagement, d'arriver dans un nouveau pays et de ne connaître personne, surtout à l'âge qu'elle avait, donc 18 ans. Elle avait déjà fini l'école, donc, mais elle dit, puisque c'est la plupart du temps, c'est c'est à l'école qu'on fait des connaissances, donc ça l'a beaucoup aidé, cette histoire de formation au Grand Makiwan Music Program. Donc on a dit qu'elle avait déménagé avec sa maman, puisque pour rejoindre en fait sa maman qui vivait au Canada avec sa sœur. Et à l'époque, tout marchait déjà très bien pour elle, puisque... Donc on a dit qu'elle avait déménagé à l'âge de 18 ans, mais elle faisait déjà des concerts dans des nightclubs ou alors sur des bateaux de croisière. Elle faisait déjà ça à l'âge de 14 ans et on lui avait même offert un contrat pour enregistrer un album quand elle avait 16 ans. Mais finalement, pardon, elle s'est rendue compte que les conditions n'étaient pas idéales pour elle à cet âge si précoce. Et que les gens qui gravitaient autour de toute cette histoire n'étaient peut-être pas ou n'agissaient peut-être pas dans son meilleur intérêt. Donc c'est pour ça qu'elle a refusé ce contrat et qu'elle a déménagé donc au Canada avec pour aller rejoindre sa sœur et sa maman. Voilà, on va continuer la découverte de l'album avec un morceau qui s'appelle Everything I've Got Belongs to You. Ça veut dire tout ce qui m'appartient. Tout ce que je possède t'appartient. C'est un morceau qui permet d'entendre pour la première fois la trompette d'Ingrid Jensen sur cet album. Et puis c'est un morceau avec un côté un peu swing, comme vous allez pouvoir l'entendre. Et nous, on va l'écouter tout de suite. Joanna Cilampa, Everything I've Got Belongs to You. C'est notre powerplay. Et puis voilà, c'est tout. Power play. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. 'Cause everything I've got belongs to you. I have a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. There are hammerlock holds, I've mastered a few, but everything I've got belongs to you. Share alike, you get struck each time I strike. Me for you, you for me, I'll give you plenty of nothing. 'Cause I'm not yours for better but for worse. And I learned to give that well, no witch's curse. I've a terrible tongue, a temper for two. Everything I've got belongs to you. To give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. But everything I got belongs to you. Share get struck each time I strike. Me for you, you for me. I'll give you plenty of nothing, 'cause I'm not yours for better but for worse. And I learned to give that well-known witch's curse. I've a terrible tongue, a temper for two. Everything I got, everything I've got, everything I got, everything I got, everything I got, everything I got, everything I got. Et oui, ça change, un peu de jazz dans cette émission Planète Indie, on n'en a pas tellement, on n'en a pas tellement l'habitude. On poursuit avec un extrait donc de cet album du groupe Pink Dust, un album qu'on vous offre en version digitale si bien vous postez dans le groupe Planète Indie la couverture de votre album préféré de tous les temps. Donc n'hésitez pas, vous allez dans Facebook, vous rejoignez le groupe Planète Indie et vous postez la photo, l'image de la couverture de votre album préféré de tous les temps. Et une fois n'est pas coutume, ils ont sorti un morceau instrumental qui s'appelle Ming, c'est comme le nom de l'album, et c'est celui-là qu'on va écouter aujourd'hui. This is Cliff of the Pink Dust, and our favorite show in Europe for finding the best new artists is Planet Indie with Pierre Gerard. We'll be right back. De ce morceau qui est assez long, il fait plus de 7 minutes, il nous ramène en 1999. Je trouvais qu'il cadrait bien avec le morceau précédent du groupe Pink Dust, le morceau éponyme de l'album, donc Ming. Ici à l'instant, c'est les Luxembourgeois de Loudoun City Corporation avec Ode to My Stupidity, enregistré en public. Et on va en profiter pour passer en vitesse, on va passer la programmation de la Rocale pour les jours et les semaines qui viennent. Le 7 septembre, vous pourrez voir Chaka Punk, le 15 septembre, le groupe The Aristocrats. Le 20 septembre, il y aura le Masterclass par Christian Andreu. 22 septembre, le groupe Garbage, bah oui, hein. Le 23, Death Heaven et Inter Arma. Le 24, Dermot Kennedy. Le 25, Son Lux. Le 27, Masego. Et puis on arrive au mois d'octobre avec Maka MC le 5 octobre. Et le 6 octobre, c'est Niska. Pour la suite, eh bien, on verra au cours de notre prochaine émission. Qui, quant à elle, se tiendra en tout cas en direct le samedi 6 octobre et rediffusion le 7 octobre, donc sur cette même fréquence. Pareil pour celle-ci, que vous pourrez retrouver demain entre 17h et 18h30 de nouveau sur les ondes de RGL. Et puis je vous rappelle que le podcast sera disponible sur notre site internet www.ilovemusic.ga dès ce soir. On poursuit avec Dissonance, le groupe de Cat Hall, un morceau qui s'intitule Want. Puis après, on changera un peu de style avec Annie Keating, Forget My Name, avant de retourner sur notre album Powerplay aujourd'hui. seconds to comply. You have 20 seconds to comply. You have 15 seconds to comply. You have 10 seconds to comply. You have 5 seconds to comply. 4, 3, 2, 1. Hey, this is Sheila from Dala, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Dan Reardon, and you are listening to Planete Indie. Hi, this is Sasha Papernick, and you are listening to Planet Indie. Don't want to, still want you. Some things won't change. No matter how I try to forget your name, the nights are staying out in summertime. I still see your eyes and a soul. Longing for something I couldn't have, I had to let go, but I still think of you sometimes. Don't want to extrait d'une nouvelle EP 5 titres de Annie Keating, Ghost of the Untraveled Road, et on écoutait Forget My Name. 18h14, retour pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur notre album Powerplay, l'album From This Side de Johanna Silanpa. Si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit qu'à l'âge de 14 ans, eh bien, elle chantait déjà sur des bateaux de croisière et dans des nightclubs en Suède, donc ça marchait très bien. Et en fait, ce qui l'a poussée vers la musique, elle se souvient quand elle était jeune, il y avait une chanteuse pop qui s'appelait Carola, et elle était assez célèbre en Suède depuis une vingtaine d'années. Et elle avait commencé elle aussi sa carrière très jeune, puisqu'elle avait l'âge, elle avait à peu près 16 ans, un peu comme Johanna. et elle se rappelle qu'elle avait l'habitude de se mettre face à son miroir et elle se faisait des coiffures de l'époque, comme vous pouvez imaginer, comme c'était dans les années 80, et elle chantait les chansons de Carola, et puis elle a commencé à participer à des concours de recherche de jeunes talents de chanteuses. Que de chemin parcouru donc depuis cette époque, puisque désormais elle et son groupe ont joué à peu près partout en Europe et en Amérique du Nord, aussi bien dans des petits endroits intimes que devant des foules beaucoup plus conséquentes, notamment au Montréal Jazz Festival, où il y avait à peu près 60 000 personnes qui y assistaient. Johanna a été nominée en 2007 et 2012 aussi pour le Western Canadian Music Awards et puis aussi pour le Best Female Vocalist, donc c'est les récompenses des musiques canadiennes country et la meilleure voix féminine. Et puis ils ont été aussi nominés, notamment avec le duo dont on parlait tout à l'heure, pour le groupe duo de l'année en 2010 au Canadian Smooth Jazz Awards. Sa carrière donc s'étend maintenant, c'est à son tour de voir sa carrière s'étendre depuis une vingtaine d'années. On a dit tout à l'heure aussi qu'elle s'était aventurée dans plusieurs styles musicaux, mais elle continue à revenir et à être attirée par ce qu'elle appelle le jazz légitime. Le jazz qui est relativement populaire en Scandinavie, donc d'où elle vient, mais c'est seulement donc une fois qu'elle avait déménagé au Canada dans la région d'Edmonton qu'elle a développé son appétit pour ce genre de musique. Que vous dire de plus? Ah oui, ce qu'elle aime bien dans le jazz, en tout cas dans le jazz avec de la voix et des chants, c'est que ce qui lui parle, c'est la fluidité et l'agilité des mélodies et faire jouer les mélodies avec les mots. On va donc écouter un troisième extrait. Je vous ai mis une vidéo d'un morceau extrait de cet album From This Side dans le groupe Facebook de Planète Indie. On va écouter le morceau qui s'appelle Closer et qui montre quelque peu les racines pop de Johanna Silanpa. Closer, c'est le troisième et dernier extrait de notre album Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Closer, stay with me tonight. You're all I ever wanted. Please don't let me down. The beauty you possess is bewitching to me. You are like electricity. Come a little closer, stay with me tonight. Come a little closer, my love, I won't bite. I'm just hungry for the truth, and you bring out in me a great appetite of loving you. Torment me like this. When all that I have longed for

les Suisses de Nuclear Tribal, qu'on écoutait avec consonne. Voilà, on arrive tout doucement au terme de la programmation musicale de ce soir. J'espère que vous avez aimé le programme. Je vous rappelle, rediffusion demain sur les ondes de RGL, sur les ondes et via le canal internet de RGL. Mêmes heures, hein, 17h-18h30, et puis disponibilité du podcast dès ce soir sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.ilovemusic.ga, et puis on vous laisse encore une semaine, une dizaine de jours pour reposter dans notre groupe Facebook la couverture, la photo, la pochette de votre album préféré de tous les temps, et vous gagnerez des versions digitales de l'album Ming du groupe Le Pink Dust. On se quitte avec le groupe King King et le morceau Betrayed Me. Rendez-vous donc le 6 octobre pour la prochaine émission en direct sur les ondes de RGL. D'ici là, portez-vous bien. Bonne reprise si vous reprenez le boulot lundi, comme moi. J'en suis ravi. Enfin, il faut bien. Hein. Et puis, portez-vous bien. Bon week-end, bonne soirée et à bientôt.